Bonsoir à toutes et à tous, c'est le retour de Zik Actu RDB en direct, donc sur Radio des Boutières et en podcast pour ceux qui préfèrent écouter l'émission tranquillement à d'autres moments que le mardi à 20h une semaine sur deux. Donc on est reparti pour la même formule un peu que l'année dernière, c'est-à-dire vos actualités musicales, mes actualités musicales, on partage tout ça et on diffuse ça donc de 20h à 21h, ça sera le premier et le troisième mardi du mois. Donc je précise un peu parce qu'une semaine sur deux c'était un peu fouillis. Donc on commence dès maintenant et avec une thématique, la rentrée des classes. On commence avec Aldebert. Sur le lit étalé en patchwork, l'essentiel de ma garde-robe bien toute lavée et saurée sécher, repassé, me voilà prêt pour le jour J du lendemain. En finissant de boucler mes bagages, mon stylo 4 couleurs, mon taille crayon, ma plante, je calcule sur une Texas Instrument combien font 24 heures en seconde. Mais non, j'ai pas peur, j'aime pas qu'on presse, c'est tout, c'est pas non plus très grave. Je retrouve en faisant mon sac un vieux bulletin que j'avais caché. Je me souviendrai toujours des phalanges de mon père quand je lui ai dit c'est en retard cette année. Résultat faible, doit poursuivre les efforts, elle est absente même quand il est là. Il paraîtrait que cette année ce soit plus dur encore, mais alors c'est tout lison ou quoi? Un nouveau monde s'ouvre à mes yeux, encore une année qui passe. Appréhension, cafard et trouille bleue, c'est la rentrée des classes. Je touche du poil, je croise tes doigts pour avoir un prof principal sain d'esprit, à l'emploi du temps sympa, qui commencerait mardi, finirait bah mardi. C'est décidé, je mettrai dès demain fin à mes jours, si cette année aussi je retrouve ce psychopathe de Martineau en histoire et géographie. Mais non, j'ai pas peur, j'aime pas les rentrées, c'est tout, y'a pas mort d'homme. Le renard pourrait lancer, je me remets au ciel. Allez quoi s'il vous plaît, juste un tremblement d'air. Que les secours débarquent, me lancent une échelle. Par pitié, emmenez-moi dans votre hélicoptère. Après 300 tours sur moi-même, je m'endors, je rêve et je délire. J'arrive au collège, je n'y a pas mon nom sur les listes. Martino me poursuit, j'arrive pas à courir. Un nouveau monde s'ouvre à mes yeux, encore une année qui passe. Appréhension, cafard et trouille bleue, c'est la rentrée des classes. L'alignement militaire des cartables se dessine, silhouette des gardiens du ghetto. Les professeurs pactisent avec le diable. La preuve en est qu'ils sont chaussés, Mephisto. L'un d'entre eux, celui au regard sombre, s'avance doucement vers moi, on dirait Lucifer. Il est tellement grand qu'il fait froid dans son ombre. Dites donc, n'en faites pas un peu trop, Aldebert. Ouais, ça va, Martino, là, commence à me casser les pieds. Hein, ça fait 10 ans maintenant, faut me lâcher. Je sais pas, moi, allez à la pêche, faites un gâteau. Faites-vous une page Facebook, et on s'occupera. Vous êtes sur Zik Actu et vous êtes sur Radio des Boutières, sur la Radio des Boutières. Et donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent. L'émission aura lieu donc un mardi sur deux de 20h à 21h. Et je vous disais donc qu'on aura une thématique, ça sera donc la rentrée des classes. On vient donc d'écouter Aldebert avec voilà, un peu de chansons françaises mixées avec du jazz manouche. J'espère que vous avez passé un bon été. J'espère aussi que vous avez continué d'écouter l'émission, parce que moi j'ai continué de la faire, on va dire pas en direct, mais avec une autre formule. Et voilà, je serais ravi d'avoir vos retours sur cette formule-là. L'idée c'était de faire des ping-pong musicaux en fait, donc avec un invité à chaque fois, et de passer à un disque chacun notre tour. Et j'étais assez content du résultat en fait, je pense que ça se reproduira. Donc si vous êtes intéressé pour faire des ping-pong musicaux avec moi, soit en direct, soit à la radio, soit par téléphone, soit par internet, n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook de l'émission Zik Actu RDB. Et donc on va prolonger un peu l'été et puis on va se raconter nos vacances au bord de la mer. C'est pas la version originale de Michel Jonas, c'est une version de Brigitte, un groupe dont je vous avais déjà parlé. On avait déjà écouté une reprise c'était une reprise de NTM, et là donc c'est une reprise de Michel Jonas, rien à voir, mais c'est Brigitte. Thank you. les autres gens, comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. C'est les vacances au bord de la mer, donc une reprise de Michel Jonas sur un album qui est paru en même temps que leur premier album qui s'appelle, en fait c'était un double album qui s'appelle Encore et sur lequel il y a plein de reprises dans ce genre là, super belle. Brigitte qui a vraiment un talent pour arranger les deux voix en fait, il y a toujours deux chanteuses et ça donne vraiment une particularité à ce groupe que moi j'apprécie beaucoup. Donc nous continuons. Le gros inconvénient, en fait, c'est que là, je fais mon retour en direct et je n'ai plus le droit à l'erreur, contrairement à cet été où les émissions étaient enregistrées, où je pouvais couper l'enregistrement et reprendre quand j'arrêtais pas de dire donc, par exemple. Là, je ne peux plus. Donc, avançons. Je pensais pas passer du Calogero un jour dans cette émission, mais bon, comme quoi, tout arrive. Je sais pas pourquoi, mais cette chanson, je la trouve assez belle. Calogero est quand même un bon musicien, un bon compositeur. Et je peux pas m'en empêcher, donc voilà, j'ai décidé de la passer. Les feux d'artifice, ça s'appelle Les feux d'artifice, et c'est donc sur l'album Les feux d'artifice. C'est la dernière chanson, elle est un peu longue, je sais pas si on ira jusqu'au bout, mais je la trouve assez belle. Et voilà, peut-être que ça me rappelle aussi l'été, on est toujours un peu dans la thématique de la nostalgie de l'été qui se termine. C'est Calogero. J'étais hissé sur des épaules, sous ces galaxies gigantesques, je rêvais en tendant les paumes de pouvoir les effleurer presque. Ça explosait en fleurs superbes, en arabesques sidérales, pour faire des bouquets d'univers. Moi je voulais cueillir ces étoiles. On allait au feu d'artifice, voir ces étoiles de pas longtemps, qui qui brille et puis qui glisse en retombant vers l'océan. Et ça fait des étoiles de mer, ça met dans les yeux des enfants des constellations éphémères. Et on s'en souvient quand on est grand. Ciel vibrant de musique, je voyais naître des planètes, jaillir des lumières fantastiques et tomber des pluies de comètes. Je m'imaginais amiral regardant voler mes flottilles. J'ai fait des ces fusées de pacotille. On allait au feu d'artifice voir ces étoiles de pas longtemps qui naissent, qui brillent et puis qui glissent en retombant vers l'océan. Et ça fait des étoiles de mer. Quelqu'un refaisait mes lacets. Je voyais des adolescents au loin là-bas qui s'enlaçaient. Ça laissait dans mes yeux longtemps des traînées de rose et de vert. Je voyais dans mon lit d'enfant des univers sur mes paupières. Nous sommes comme des feux d'artifice, vu qu'on est là pour pas longtemps. Faisons en sortant qu'on existe, de briller dans les yeux des gens, de leur offrir de la lumière. Comme un météore en passant, car même si tout est éphémère, on s'en souvient pendant longtemps. Calogero avec les feux d'artifice. Non, on a beau dire, cette chanson est belle. C'est voilà, je vous conseille quand même d'écouter l'album en entier et puis de me dire ce que vous en pensez. En tous les cas, voilà, celle-ci, moi, elle a quelque chose qui me touche. Je sais pas si c'est parce que les feux d'artifice m'ont toujours touché, mais en tous les cas, elle est super jolie. Et il y a un petit côté aussi, les vacances au bord de la mer. Je trouve que les deux allaient bien ensemble, c'est pour ça que je voulais vous les passer aussi l'une à côté de l'autre. On continue avec une chanson de Benjamin Biolay sur l'album La Superbe. C'est aussi une forme d'actualité, une actualité plus personnelle, mais donc ce morceau s'appelle Brandt Rhapsody. Voilà, si vous aussi vous voulez faire partager vos actualités personnelles, n'hésitez pas à participer à l'émission via la page Facebook. On écoute Benjamin Biolay, Brandt Rhapsody, en duo avec Jeanne Chéral. Faut qu'on se revoie. Tu sais, depuis mardi, j'ai beaucoup pensé à toi. Je suis joignable au 06-06-06-06 le soir, chez moi. J'ai passé une nuit délicieuse, même si j'ai un peu la migraine. Tu es belle quand t'es odieuse. Je te dis à dans une semaine. Je rêve de ton corps, je rêve de ta bouche. Je te veux près de moi, je veux que tu me touches. Je rêve de ta peau et de tes mains. Je ne pense qu'à toi, je bosse plus, je fous rien. Mon amour, tu dormais si bien que j'ai pas osé te réveiller. Je travaille jusqu'à 7h20, si tu veux après on peut s'appeler. Je sais pas ce que tu fais ce soir, moi j'ai rien de prévu. Si t'as du travail, je te dis à plus tard et j'embrasse ton cul. Je suis à toi, je te veux, je pense à nous. Tu es mon homme, tu es mon idéal. Je te désire tout le temps, partout. Tu es mon grand projet, je te suivrai n'importe où. Parce que je t'aime. Parce que tu me rends heureux. Parce que des fleurs dans une cuisine, c'est joli. Je t'embrasse encore, encore, voilà aussi. Mon amour, demain matin, rejoins-moi à l'aéroport, Orly, Terminal 2, 9h30. Ne pose pas de questions, prends juste ton passeport. Je t'aime, bonne nuit. Chérie, y'a des trucs à manger dans le frigo. Je vais rentrer tard, sans doute, après le dernier métro. Tu vas pouvoir enfin te faire une soirée tranquille. Je t'ai apostrophe et là y'a un cœur dessiné au stylo bille. Je suis enceinte. Ta mère a téléphoné tout à l'heure. Je crois qu'elle n'a pas encore osé prévenir ta sœur. Ton père a refait une attaque cette nuit. Je t'aime, appelle-moi. Je pense à toi, je pense à lui. Hier soir, j'ai oublié de te parler d'un truc important. Est-ce que tu peux m'appeler dès que tu te réveilles à n'importe quel moment? Ouvrez la parenthèse, important mais pas grave. Fermez la parenthèse, je t'embrasse. Mon amour, ne m'attends pas ce soir. J'ai pas mal de boulot et je risque de rentrer tard. Je crois qu'il doit rester une demi-pizza quelque part. Mais vérifie la date sur la boîte. N'oublie pas qu'on dîne chez ma sœur. Si tu peux t'occuper du vin, tu seras un cœur. Car je risque d'être crack. Un peu plus loin, je te redonne l'adresse et les codes. 59 boulevard Ménilmontant, code AB1980. La voisine a laissé un mot sur le palier. Le chat a gueulé toute la nuit dans l'escalier. S'il te plaît, en sortant, tu descendras la poubelle. Et pense à rappeler ta mère qui me harcèle. Le mec du Cap passe entre 7h15 et 9h15. Tâche de te réveiller. En plus gros, d'une langue différente. Un truc qui n'a aucun rapport. Style, numéro de passeport. À payer EDF, Orange, abonnement canal. Plus le cadeau commun pour mon frère le week-end prochain. Je trouve plus le chéquier, c'est toi qui l'as, non? Si oui, mets-le en évidence, dans le salon. La réunion est à 19h30, précise à l'école. Le précise est souligné. F a encore appelé, il m'a parlé d'un chalet, je n'ai pas compris. Enfin, tu dois mieux savoir que moi. A plus. Le plus est une croix. Casser 3 œufs, ajouter 1 demi-litre de lait, incorporer 100 grammes de farine progressivement. Ajouter d'un seul coup 50 grammes de matière grasse, tu mets moitié beurre, moitié margarine, et tu mélanges. Code réservation QWXXCJ, mot de passe Casablanca, départ Orly 9h47, retour le 23 à 7h15, arrivée Paris 11h03, Charles de Gaulle, terminal 3. Une baguette, crevettes, 3 avocats, sopalin, tampons normaux, produits vaisselle, lait demi-écrémé bio, ciseaux bio, sac poubelle 50 litres. D'une écriture différente, de papier en tête, FXOR 75 LP, j'ai vu 3 fois par jour. Aprazolam 0,50 mg, 6 prises par jour maximum. Puis une signature informe, suivie d'un caducée. Je te rappelle que tu as un fils qui va à l'école tous les matins et qui aimerait bien prendre le petit déjeuner avec son père de temps en temps. Salut. La visite est à 16h, il y a encore plein de trucs à toi dans le bureau du fond. Tu veux sans doute les récupérer. Appelle-moi, mon nouveau numéro 06 62 73 49 63. C'était Benjamin Biolay et Jeanne Chéral pour une chanson bien plombante, pour un aspect festif, pour un mardi soir, c'était raté. Mais elle est belle cette chanson, et voilà, c'est toute une histoire d'amour sur des post-it, vous l'aurez compris. On continue avec une chanson un peu plus festive cette fois-ci. Donc on passe à une petite session spéciale, c'est votre tube de l'été. Alors j'ai lancé un petit quiz sur Facebook pour savoir quel avait été votre tube de l'été, mais le tube d'été perso, c'est-à-dire pas le tube d'été qui a été matraqué et que tout le monde connaît. Non, celui que vous avez aimé. Et bon, bah, j'ai pas eu énormément de réponses. Cependant, on a quand même une magnifique chanson de Andrew Bird que nous propose Stéphanie. Stéphanie, je te salue si tu nous écoutes. Et cette chanson s'appelle Pulaski at Night, et donc c'est extrait de l'album I Want to See Pulaski at Night, c'est-à-dire le dernier album en date d'Andrew Bird. On l'écoute tout de suite. Empty, half full, cup runneth over, horns aplenty, coffers full, we're starting over. Empty, half full, cup runneth over, horns plenty, coffers full, we're starting over. I write you a story, but it loses its thread, and all of my keep turning up, keep turning up dead. I paint you a picture of Pulaski at night. Come back to Chicago, city of, city of light. Come back to Chicago. Greetings from Chicago, city of. Chicago, city of, back to Chicago. Merci à Stéphanie pour cette découverte musicale. C'était Andrew Bird avec le titre Pulaski at Night. Alors Pulaski, j'aurais situé ça en Europe de l'Est, mais pas du tout. C'est une ville aux États-Unis. Et donc Andrew Bird est un chanteur, enfin auteur, compositeur, interprète américain qui joue du violon surtout, mais aussi de la guitare et qui siffle incroyablement bien, c'est possible. Voilà, que j'ai eu la chance de voir en concert il y a quelques années. C'est une espèce d'Hugh Grant avec une écharpe et un violon, quoi. Qui fait des boucles en concert et qui donne du coup voilà, un côté un peu indé, pop-rock, enfin indie, rock, folk à ses concerts. Moi j'ai beaucoup aimé, vraiment c'est un super artiste que je vous recommande, et que je vous conseille. On continue donc avec ses spéciales dédicaces, la prochaine est pour Gaëtan et lui son tube de l'été c'était La Yegrosse. Avec un titre qui s'appelle Bien des Mi, un titre d'une chanteuse... que je dise pas de bêtises cette fois, d'Argentine, voilà, de Buenos Aires exactement, on écoute Bienes de Mi de La Yegrosse. Bien de ti, bien de mí, viene del viento, no miento, es un ser. C'était La Yegros, un morceau proposé par Gaëtan. Et je comprends tout à fait qu'on puisse l'avoir dans la tête tout l'été et que ça puisse accompagner un été assez aisément. Voilà, bah merci à toi Gaëtan, bis à toi l'ami. Et à bientôt donc sur la page Facebook de l'émission Zik Actu RDB à laquelle vous pouvez tous participer. Cette émission est collaborative, je vous le rappelle, donc n'hésitez pas à proposer vos morceaux. Et voilà, la petite condition, c'est d'être soit dans la thématique que j'aurais partagée sur la page Facebook, soit d'être dans l'actualité musicale en fait. Et l'idée, c'est quand même de passer des titres qu'on n'a pas forcément entendus 150 fois à la radio. En tous les cas, j'essaye. Et en parlant de ça, il y a pas mal de groupes qui sortent des albums à la rentrée. Et notamment, on va rentrer donc dans cette catégorie-là de l'émission, il y a un groupe qui s'appelle Interpol, que je suis depuis un moment, qui me plaît beaucoup. Et on écoute tout de suite un extrait de leur nouvel album. L'album s'appelle El Pintor et le morceau s'appelle Anywhere. Interpol pour Zik Actu sur RDB avec le morceau Anywhere issu de leur cinquième album qui vient juste de sortir. C'est un groupe new-yorkais, on sent l'influence de la scène new-yorkaise. Voilà, écoutez, vraiment un album à écouter et un groupe à découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. J'interromps cette émission par une intervention incroyable et de Romain de Saint-Sauveur, on va essayer de rester un maximum dans le local, qui me partage en direct live son tube de l'été que je vais essayer de chercher en direct live aussi. Il s'agit de Damien Saez et le morceau s'appelle Miami. Alors je le recherche, excusez-moi, ça prend un tout petit peu de temps, mais du coup l'avantage c'est de se dire que cette émission est collaborative, je le dis donc je le fais. Damien Saez, c'est aussi un artiste que j'apprécie aussi, un artiste français. Malheureusement, il n'est pas trouvable sur Spotify, donc ça prendra un peu plus de temps. On va donc continuer notre playlist comme prévu. Et promis, je passe Damien Saez juste après. Promis pour toi, Romain de Saint-Sauveur, et promis pour toi, auditeur, je vais essayer de rester fidèle à mes engagements. Et vous allez donc pouvoir découvrir un nouvel extrait de l'album du nouvel album de The Do qui n'est pas encore sorti. C'est le troisième single qui sort. J'en ai déjà diffusé un parce que vraiment c'est un groupe que j'adore et donc un album que j'attends énormément. Et ce titre s'appelle Despair, Hangover and Ecstasy. C'est The Do. C'était The Do avec Despair, Hangover and Ecstasy, un extrait de leur album qui va bientôt sortir et vraiment qui s'annonce très très gros. Moi j'aime beaucoup et peu importe ce qu'ils font en fait, même si ça tourne à l'électro, ça reste bon et c'est un super duo The Do. Donc avec une chanteuse d'origine finlandaise et un compositeur qui a fait pas mal de choses, notamment de la musique de film et qui a vraiment une ouverture et je trouve... il sait faire plein de choses et vraiment c'est un plaisir d'écouter un album de The Do en entier parce qu'on passe par plein de genres musicaux différents et plein de sensations différentes. Je vous le conseille fortement. Et nous voilà de retour avec la proposition de Romain de Saint-Sauveur et donc on écoute tout de suite Miami de 16 en espérant que tout se passe comme prévu. Et leur queue coin en tire dans les boîtes en plein air. Y'a la vue sur la mer et les dauphins qui nagent. Ici même la lumière du soleil est à fendre. Dans le humeur je fume le cynisme à mes doigts. Des cigares de Cuba que j'enfonce au profond de tes cuisses qui saignent. Je leur vends de la poudre à leurs yeux qui disent oui man. cow-boy et vendeur de tapis. Bien sûr, on la cote de nos jours auprès des sacs à viande quand elle voit les dollars et puis la colombienne. Et les filles s'écrient yummy, yummy sur le dance floor. Faut dire, y'a de la bombe et du ciel dans les yeux de ce monde qui ne doute de rien, du plastique dans les seins. Puisque tout a son prix, puisque rien ne vaut rien, de partout en sextape, la vérité éclate aux yeux de ces connards abrutis dans la toile, qui rêvent de Malibu et des pornos victimes du fascisme qui règne ici. Moi je suis l'homme fureur et des armées de femmes à mes pieds qui supplient, elles ont le corps des putes et puis le cœur des vierges. Et dans ma planche neige, elles y voient l'infini. Maya, Maya, Miami. Et ben voilà un titre qui n'est pas consensuel au moins. Merci donc à Perrine et Romain pour cette découverte. Je l'avais déjà entendu, mais vraiment sans y faire trop attention. Et ce titre est. Et je pense que si j'avais su, je sais pas si je l'aurais passé parce que c'est pas tellement grand public. En même temps, il est 20h48, les enfants sont couchés, on peut bien passer ce qu'on veut. Et c'est fait, ouais, vraiment, ça fait du bien d'entendre des morceaux qui sont pas forcément consensuels aussi. Et après l'ecstasy, donc la cocaïne, finalement, ça reste assez cohérent avec ma programmation. Je rappelle, le titre de Dodo, c'était Despair, Hangover and Ecstasy. Je ne conseille évidemment pas la prise de toute forme de drogue. Mais cependant, continuons avec notre programmation et les nouveautés. Y a Algie, donc, qui sort son nouvel album très très prochainement. Il y avait un nouveau single. Je vous demanderai bien de voter pour savoir qui, si on passe Aldi, Cold Specs, Stereotypal, Working Class, mais j'ai peur qu'on ait plus beaucoup de temps et j'ai peur qu'il n'y ait pas grand monde ce soir sur la page de Zik Actu RDB. Ceci est un appel, pas un appel au secours, mais voilà, en tous les cas, un appel à participation. N'hésitez pas à venir, ça sera donc le premier et le troisième mardi du mois est en direct, donc vous pouvez participer à l'émission et, comme je le disais, changer le cours de l'émission à tout moment, comme l'a fait Romain de Saint-Sauveur. Non, on va partir sur un peu de français, parce que j'ai souvent tendance à passer beaucoup d'anglais, donc là, on va partir sur Camélia Jordana. Camélia Jordana, voilà, elle est issue de la télé-réalité, ce qui n'en fait pas pour autant une artiste à jeter directement à la poubelle, surtout quand elle est entourée de gens talentueux comme Mathieu Bogart. Mathieu Bogart avait déjà produit un album pour elle, une chanson dans l'album précédent, et là, ils remettent ça, le morceau était déjà bon, et celui-là est très chouette aussi, avec une sensibilité vraiment propre à Mathieu Bogart. On en écoutera du Mathieu Bogart, parce que c'est vraiment excellent. Et donc, on écoute tout de suite Camélia Jordana. Le morceau s'appelle « Comment lui dire », extrait de l'album qui vient de sortir, qui s'appelle « Dans la peau ». Camélia Jordana avec Comment lui dire. On enchaîne tout de suite avec un groupe de Saint-Étienne que je ne connais pas personnellement, qui s'appelle Doors Fall. Le morceau s'appelle Colline et on retrouve notre thématique de l'école, parce que si vous écoutez bien, il me semble que les premières paroles sont Back to School, en tous les cas dans les premières paroles, ce qui nous amènera à un autre groupe beaucoup plus connu. En tous les cas, c'est Doors Fall. c'était Doors Fall, un groupe stéphanois à suivre. Vraiment grosse production, belle production et un très beau son pour ce groupe voilà, qui demande qu'à être écouté, qu'à être partagé. Donc vraiment c'est dans cet esprit-là moi que je pense l'émission aussi, faire découvrir aussi des groupes qui ne sont pas connus et qui travaillent super bien et qui font de la super belle musique. Donc voilà, Doors Fall c'est un bon groupe. Même si on l'entendra pas forcément ailleurs, en tous les cas, si on fait rien, on l'entendra pas ailleurs, mais on peut aussi partager cette musique pour changer le destin de ce groupe. C'est vraiment incroyable, il est presque 21h, je fais des grandes phrases, et il est temps de boucler notre thématique et d'arriver à des morceaux nettement moins grand public, mais à fond dans la thématique. C'est un morceau que j'aime beaucoup moi aussi, qui s'appelle Back to School, un titre de Deftones, donc on revient à l'école, c'est d'actualité, c'est Deftones, un extrait de leur album White Pony. So ride! Je suis un peu obligé de massacrer ce morceau, je suis désolé de le couper maintenant, mais voilà, il est 21h01 et le contrat c'est de rendre l'antenne à 21h. Donc je suis désolé pour Deftones, mais ce titre est facilement retrouvable sur internet. Donc c'est Back to School, moi vraiment à chaque rentrée j'ai ce morceau dans la tête, c'est un peu violent mais finalement ça veut pas dire que c'est négatif. Et il est l'heure de se quitter et de rendre l'antenne. On va quand même faire un petit récapitulatif, on va prendre deux petites minutes pour voilà, pour récapituler. On a écouté Aldebert, Brigitte, donc des groupes français, des artistes français, et Calogero aussi avec son nouvel album Les Feux d'Artifice. Sur la demande de Gaëtan et de Stéphanie, on a écouté Andrew Bird et La Yegros, et j'ai sauté Benjamin Biolay aussi, qui est un super artiste français. Et au niveau des grosses sorties d'albums, je vous conseille Interpol, le nouvel album, Cold Specs, Alt-J qui va bientôt sortir, d'ici la prochaine émission ça sera sorti, Stereotypical Working Class aussi, mais je pense qu'on essaiera de l'écouter pour la prochaine émission, et un album qui est pas mal diffusé, je pense qu'on en entendra parler, c'est l'album de Camélia Jordana qui s'appelle Dans la peau. On a écouté les Stéphanois de Doors Fall et on a fini par Deftones avec Back to School. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée, j'imagine que c'est déjà fait pour vous, moi personnellement c'est demain. Donc du coup, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Mais voilà, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous n'avez pas rencontré le professeur d'histoire géographie que vous ne vouliez pas avoir, comme Aldebert. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine émission de Zikactu. D'ici là, écoutez de la musique, faites-moi partager tout ça via la page Facebook, et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bonsoir.